بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنو revenons à ce que nous avons commencé durant l'été inshallah, qui sont des questions sur le manhaj du Cheikh Ubayd hafidhahullah ta'ala. Nous avons terminé la première partie qui était la limite entre le comportement à avoir avec les gens de la sunna et les gens du faux. Et maintenant, c'est toujours dans le même sens, les règles du comportement à adopter avec les gens de la sunna et les gens du faux. Et tout ceci est sous forme de questions. Et nous sommes à la 11e question. Wa nahnu fi su'al al-hadi 'ashar. يقول في السائل شيخنا الفاضل أحسن الله إليكم وبارك فيكم، يقول هذا السائل: متى ينسب الشخص إلى طائفة معينة كالإخوان والتبليغ وغيرهما؟ Et la question, c'est la 11e dans cette série. Il dit, notre noble cheikh, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse, celui qui pose la question, il dit: quand est-ce que on attribue un homme, on attribue quelqu'un un groupe bien précis comme l'Ikhwan, comme Tbligh ou autre? Et cherche de dire Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et je vous rappelle aussi que ce matin, quand j'ai appelé Cheikh pour quelque chose, il vous a passé salam aussi. Et Cheikh, il dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et après avoir cité Khutbat al-Hajj jusqu'à la fin, il dit Thumma amma ba'd. Et après, فاعلموا يا بني أنتم ومن تصل إلي هذه الرسالة الصوتية التي نبثها من خلال بعض أبنائنا من دول المغرب العربي، حرس الله المغرب العربي وسائر بلاد الإسلام من كل مكروه، وجمع حكامها ومحكومها على الحق والهدى والإسلام والسنة، آمين. Et donc il dit: sachez mes enfants, vous et ceux à qui va arriver ce message audio que nous propageons par l'intermédiaire de certains de nos enfants dans le Maghreb arabe, dans un des pays du Maghreb arabe, qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège le Maghreb arabe et les autres pays de l'islam du tout mal, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala unisse ses gouverneurs et ainsi que les populations sur la vérité, sur la guidée, sur l'islam et sur la sunna, amin. أقول: الساحة اليوم فيها الاحتدام القوي الذي يكشر فيه أهل البدع عن العداوة السافرة لأهل السنة والجماعة، وليس هذا وليد الساعة كما يقولون، بل لكل قوم وارث، فما خلا زمان ولا مكان من قوم يناصبون أهل السنة العداء ويملؤون صدورهم عليهم كمدا وبغضا وبغضاء، وإن كان ذلك يختلف قوة وضعفا وكثرة وقلة. Et il dit, Hafidhahullah ta'ala, je dis que le terrain aujourd'hui, il y a la confrontation. Et que sur le terrain, il y a une énorme confrontation. Et que les gens de l'innovation sont aux aguets. Et déclarent la haine. Déclarent une haine claire aux gens de la sunna et à ceux qui sont unanimes sur la sunna. Et il dit, ceci, il n'est pas... C'est pas né d'aujourd'hui, comme ils disent, mais à chaque peuple a des héritiers. Il dit aucun temps ni aucun lieu, dans tout temps et dans tout lieu plutôt, il y a des gens qui ont déclaré la guerre aux gens de la Sunna et dont le cœur sont pleins de haine pour les gens de la Sunna. Et même si ceci est différent au niveau de la puissance et de la faiblesse de cette haine, au niveau qu'il soit beaucoup ou peu, يقول حفظه الله فإذا قويت شوكة أهل السنة ورجحت كفتهم وكان السلطان لهم ولأئمتهم ضعف المبتدع وانشمروا وربما اختفوا أو أخفوا أنفسهم خشية من سلطان السنة الذي من عرض له ووقف في وجهه معاديا فضحه الله سبحانه وتعالى وسواء كان بوقوفه في وجه السنة سافلا كاشلا ظاهرا أو متسترا ملبسا هذا الذي عرفه الناس في عصرنا وقبلنا فالعاقبة الحميدة لأهل السنة وما أظنه يخفى على طالب علم قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله تعالى Il disait, حفظه الله تعالى Et quand les gens de la sunna, c'est eux qui ont la force et qui sont forts et que le pouvoir est à eux et à leurs imams, les gens de l'innovation, l'innovation va s'anéantir, va disparaître, va se cacher, ou les gens de l'innovation vont se cacher eux-mêmes, par peur du pouvoir de la sunna. Car celui qui s'expose au pouvoir de la sunna, Allah subhanahu wa ta'ala, il le divulgue. Soit cette personne se met contre la sunna comme ça clairement en apparence, soit il se cache, Allah subhanahu wa ta'ala les divulgue. Il dit c'est ça que les gens ont connu à notre époque et avant notre époque, que la bonne fin et la fin louée, il est pour les gens de la sunna. Il dit je ne crois pas que ceci est absent de l'esprit d'un demandeur de science, la parole du prophète alayhi salam qui dit restera toujours une fraction de ma communauté sur la vérité et seront apparents sur cette vérité, peu importe ceux qui sont en divergence avec eux, ou peu importe ceux qui veulent les faiblir, et ils resteront ainsi jusqu'à ce que arrive l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. يقول حفظه الله فإذا نظرت في هذا الحديث وما في معناه من المبشرات التي تتضمن الوعد الصادق من الصادق المصدوق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو لا يقول إلا بوحي الله إليه كما قال الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ازددت ثقة أيها السني من المسلمين والمسلمات بنصر الله لأهل السنة وأن العاقبة الحميدة لهم Il dit, حفظه الله تعالى Si tu regardes ce hadith et les hadiths qui sont dans son sens, et la signification de ce hadith, et ce qu'il y a comme bonne nouvelle dans ce hadith, parce que les bonnes nouvelles qu'il y a dans ce hadith contiennent une promesse véridique, du véridique, qui n'a dit que la vérité qui est Muhammad alayhi salam, car Muhammad alayhi salam ne parle qu'avec la révélation. Il part avec une révélation min Allah Azza wa Jal, comme il est dit dans le verset, il ne parle pas de ses propres passions. Ce n'est qu'une révélation qui lui a été faite. Il dit à ce moment-là, quand tu entends ça, quand tu regardes ces bonnes nouvelles qu'il y a dans ce hadith, ta confiance augmente. Toi, le sunni parmi les musulmans et les musulmanes, ta confiance augmente, comme quoi le triomphe, il est pour les gens de la sunna. Et la bonne fin, et la fin louée, il est pour les gens de la sunna. يقول حفظه الله ويزيد هذا توكيدا ووضوحا قوله جل وعلا ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون Il dit, il confirme ceci, il donne encore plus de clarté à ceci. Ce qui est dit dans le verset, nous avons écrit dans le Zabour que la terre va être héritée par nos serviteurs vertueux. فيقول الشيخ من هم الصالحون الشيخ de poser la question qui sont les vertueux يقول هم من جردوا في عباداتهم الإخلاص لله وحده، وجردوا كذلك في عباداتهم المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلم يحيدوا عن ذلك ذات اليمين وذات الشمال ولو قيد أنملة. Et comme il pose la question qui sont ces vertueux, il dit ce sont ceux qui ont dépouillé leur adoration, ceux qui ont réservé leur adoration exclusivement pour Allah et sincèrement pour Allah. Et leur suivi, ils ne l'ont donné qu'à Muhammad alayhi salam, qu'au prophète d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'ont ni deviné à droite, ils se sont ni penchés à droite, ni esquivés à gauche, même pas, ne serait-ce que, la mesure d'une phalange. يقول كما أنك إذا نظرت في مثل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم عن الخوارج وغيرهم من أهل البدع أنهم كلما قطع منهم قرن خرج آخر حتى يخرج في عراضهم الدجال ازددت يقينا أيها المنصف الناصح لنفسك الحازم في أمرك أن الحرب الضروس بين أهل السنة والمبتدع لن تنتهي إلا عندما حده رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il dit, Habidallah Ta'ala, et si tu regardes dans ce qui t'a annoncé le prophète alayhi salatu salam, en ce qui t'a annoncé concernant le Khawarij et concernant les autres gens de l'innovation, et il t'a annoncé que chaque fois qu'un groupe est anéanti, par exemple pour les Khawarij, qu'est-ce fois que une certaine partie des Khawarij est anéantie, une autre va paraître, il va être anéanti, etc. Et ceci va durer jusqu'à ce que sort par dans leur milieu Dajjal. Il dit, ceci augmente ta certitude, toi, qui est conseillé, qui est digne du conseil pour toi-même, qui est équitable avec toi-même. Ça te donne la confiance comme quoi la guerre entre les gens de la Sunna et les innovateurs ne pourra jamais se terminer. Il va se terminer que dans la limite que t'a annoncé le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. يقول فهذا يفيدك من ناحية الحذر وإعداد العدة نشاطا في نشر السنة والتفقه فيها وطلب أهلها الذين عرفوا الناس منهم السابقة في الفضل وجلالة القدر والإمامة في الدين فبهم تؤنس الغربة وبهم تقوى العزيمة وبهم يشتد الأزر يشتد الأزر وهم خير عدة وخير معتمد عليه بعض الله عز وجل. Il dit, حفظه الله تعالى, ceci te donne quelque chose de très important que tu dois faire très attention, qui doit te préparer et que tu dois être vivace et enthousiaste pour propager la sunna et pour que tu apprennes ce que c'est que la sunna et que tu aies la jurisprudence de la sunna et que tu cherches les gens de la sunna, ceux qui sont connus par les gens comme quoi ils ont des vertus et ils défendent la sunna et ils sont reconnus par les gens et par leur imam dans la religion, car c'est avec eux que tu vas trouver un compagnon dans ton chemin d'étranger. Et c'est auprès d'eux que tu vas te renforcer ta résolution. Et c'est eux qui vont te renforcer. Ils sont la meilleure des armes et le meilleur des partages. Et c'est après Allah subhanahu wa ta'ala en eux que tu dois faire confiance. يقول كما أن هذا يفيدك أيضا أنه حينما تظهر شوكة للمبتدعة وترجح لهم كفة لا يكون ذلك غريبا عليك رحمك الله وهذا يزيدك قوة في الثقة بنصر الله عز وجل ونصر أهل السنة وأن المبتدعة نهايتهم الدمار والهلاك بما يهيئه الله عز وجل من أسباب ومنها ظهور سلطان وإن كان فاجرا يقمع الله به أهل البدع ويكسر به شوكتهم فإذا تقرر هذا فإن النظر في سؤالكم من جهتين أو ثلاث. Il dit aussi, cela te donne un point très important que tu dois retenir, c'est quand apparaît le pouvoir des innovateurs, ceci ne doit pas être étranger pour toi, ceci doit te donner la force et doit te renforcer ta confiance en le triomphe d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et que le triomphe, il est pour les gens de la sunna. Et que la fin des innovateurs, c'est la destruction. Avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur prépare parmi les moyens qu'Allah subhanahu wa ta'ala prépare et fait exister pour leur destruction. Fait partie de ces moyens, un gouverneur, même pervers, par l'intermédiaire de lequel Allah subhanahu wa ta'ala anéantit les gens de l'innovation et casse leur pouvoir. Il dit si se confirme, hein, c'est-à-dire se confirme dans ton esprit, bah, votre question, hein, le regard sur votre question se fait par deux points, sinon trois points. يقول جهة الأولى أن هاتين الجماعتين ضمن الجماعات الدعوية الحديثة التي نشهد الله ومن حضر من ملائكته الكرام ونشهدكم ونشهد كل من يسمع صوتنا من خلال هذه الرسالة المسجلة أنها ضالة مضلة دون استثناء. وأنا دائما أقرر في مجالس هكذا الجماعات الدعوية الحديثة حتى تخرج السلفية لأنها ليست حديثة. وقد حدثني الأخ الشيخ الدكتور أبو معاذ عبد الله بن زيد المسلم من أهالي عنيزة عن الشيخ محمد بن عتيمي رحمه الله أنه قال في سيد قطب لولا الورع لقلنا بكفره. Il dit le premier point par l'intermédiaire de lequel il jette un regard sur la question qui lui a été posée, c'est que ces deux groupes font partie des groupes de la da'wa, des nouveaux groupes de la da'wa. Et il dit, Habdallahu ta'ala, nous prenons comme témoin Allah subhanahu wa ta'ala et les anges, les nobles anges qui sont présents autour de nous. Et on vous prend comme témoin. Et je prends comme témoin tous ceux qui entendent ma voix à travers ce message audio que ces deux groupes, ce sont un groupe d'égarés. Égareurs sans exception. Et il dit, et moi je dis toujours et je confirme dans mes assises, ainsi, ces groupes de la da'wa, ces groupes nouveaux dans la da'wa, pour sortir la salafia de ces deux groupes. Car la salafia n'est pas nouvelle. Il dit, il m'a été dit par le frère, Cheikh Dr Abu Mu'ad, Abdullah ibn Zayd al-Musallam, qui est des gens de Uneiza, la ville de Cheikh Utaymi, rahmatullah alayh, que Cheikh Mohammed ibn Utaymi, rahimahullah, lui a dit concernant Sayyid Qutb, si ce n'est le wara, on aurait dit on aurait déclaré la mécréance de Sayyid Qutb. Si ce n'est le wara, hein? Mais il l'a pas fait, rahimahullah ta'ala. Et il dit, wa ana aqul al Cheikh Mohammed, rahimahullah, ma takallama min farah, fa Sayyid Qutb. وسوف تعرفون الرابط بعد قليل سيدقط في كلامه ما هو مجاوز وأنا أقول الشيخ محمد رحمه الله ما تكلم من فراغ فسيدقط وسوف تعرفون الرابط بعد قليل سيدقط في كلامه ما هو مجاوز لما هو معلوم تحريمه من الدين بالضرورة وإن شئت فقول وقع فيما هو ناقض من نواقض الإيمان تطاول على أنبياء الله على موسى وعلى آدم صلى الله عليه وسلم ودعا إلى وحدة الأديان وعطل الصفات وقال بوحدة الوجود وقال بالجبر يعرف هذا من خبر كتابه التفسير المسمى في ظلال القرآن وهو في الحقيقة ليس في ظلال القرآن أقولها ولا أجيد غضاضة هو في ظلال الشيطان القرآن منه بريء خذوها عني ولا تتورعوا في التحديث بها إيه الجي حفظه الله تعالى موجودي كالشيخ محمد شديق بن عتيم رحمة الله عليه إنه با باغري دي فيد سيد قطب et vous allez voir le point de liaison. Dans un instant, vous allez comprendre le point d'illusion, pourquoi parler de Sayyid Qutb. Sayyid Qutb, dans ses paroles, il a dépassé les limites. Il a dépassé les limites de ce qui est connu obligatoire dans la religion. Et si tu veux, il est tombé dans des points, parmi les points de l'annulation de la foi. Il a eu de l'audace, il a très mal parlé sur les prophètes d'Allah, sur Moussa, sur Adam alayhi salatu wassalam. Il a appelé vers l'unicité des religions, il a dépouillé les attributs d'Allah, et il a parlé aussi dans ses écrits, hein, il a parlé de l'unicité de l'existence, et il a parlé de l'jabr, que la personne est obligée de faire ce qu'il est en train de faire. Et tout ceci est connu par ceux qui ont l'expérience et qui ont cherché dans son interprétation appelée à l'ombre du Coran. Et cher de nous dire, en réalité, c'est fidèle au Coran, ce n'est pas à l'ombre du Coran. Mais je l'ai dit sans aucune gêne que c'est à l'ombre du shaitan. Et le Coran est innocent de ce qu'il y a dans Dhilal de Sayyid Qutb. Il dit, prenez la de moi et parlez sans avoir de gêne, parlez-en. Ne n'ayez pas le wara de dire, Cheikh Ubaid a dit que Dhilal Qur'an, c'est Dhilal Shaitan, c'est l'ombre du Shaitan et non pas l'ombre du Qur'an. Il dit, c'est quelqu'un parmi vous se pose la question, quoi? Hein? Qu'est-ce qu'il vient faire ici Sayyid Qutb dans cette question? يقول أقول سيد قطب وإمام القطبية والقطبية هي أحد جناحي الإخوة المسلمين التي قال فيها رئيس تنظيمهم السري علي عشماوي إنه ما خرجت جماعة إلا من تحت عباءة الإخوة المسلمين il dit je dis que سيد قطب c'est l'imam de قطبي et la قطبية c'est l'une des fractions l'une des ailes des frères musulmans et les frères musulmans l'un des le chef ou le président de l'organisation secrète de la secte des Ikhwan Muslimin qui est Ali Ashmawi a dit que du Jama'at Ikhwan, du groupe de l'Ikhwan, du juron du Jama'at Ikhwan sont sortis beaucoup de groupes. Hein? Et là, il dit que toutes les Jama'at sont sorties du juron des Ikhwan. Donc comme le Qutbiya, Sururiya et ainsi de suite. Hein. Ceux que vous connaissez, dont vous connaissez les noms. Fasayyid Qutb ou Ibn al-Ikhwan al-Muslimin, Ibn al-Bar. Il dit Sayyid Qutb, c'est un des enfants de la secte des Ikhwan al-Muslimin. Et c'est un enfant dévoué de cette secte. يقول وما أصيب مجتمعاتنا اليوم بحوادث مروعة من تفجيرات واغتيالات وتكفير بلا هوادة إلا وكان جل حملة هذه الأفكار المنحرفة الفاسدة هم عالة على سيد قطب فهو حامل لواء التكفير في هذا العصر شاء القوم أم أبوا ونحن ولله الحمد لا نتكلم فيه ولا في غيره إلا عن بينة وبرهان ونحن نعلم أيضا أن كلامنا هذا لا يرضي كثيرا من الناس إن لم يغضب أكثر الناس il dit سيد قطب c'est l'enfant chéri c'est l'enfant dévoué de la secte des frères musulmans il dit ce qui est arrivé à nos sociétés c'est mise de bombes, ces assassinats, ces poses de bombes, etc. Ce takfir, hein, sans limite. Il dit, tous ces gens qui ont agi ainsi, et qui ont ces pensées déviantes, et ces mauvaises pensées, hein, découlent de Sayyid Qutb. Car c'est lui qui porte l'étendard, hein, du fait de rendre mécréant du takfir à notre époque. Que les gens l'acceptent, ceux de son groupe l'acceptent ou là ils le refusent. Hein, que les frères musulmans l'acceptent ou là ils le refusent, c'est lui qui le porte, qui porte l'étendard du takfir à notre époque. Il dit, nous, il a longé à Allah, on ne parle pas sur lui, ni sur autre que lui, qu'avec des preuves. Qu'avec des preuves qui sont claires. Et il dit, on sait aussi que nos paroles, beaucoup de gens n'agréent pas nos paroles, sinon nos paroles mettent en colère beaucoup de gens. يقول لكن نقول الحق ولا نخشى في الله لومة لائم بالدليل الساطع القاطع الذي إذا سمعه المنصف يقبله. Mais il dit, mais on dit la vérité. Et nous avons peur de personne. Hein? Nous avons pas peur d'être réprimandés ou d'être critiqués par qui que ce soit. Et nous disons la vérité avec des preuves claires et réfutables contre celui. Hein? Qui est équitable quand il l'entend, il l'accepte. يقول كما حدثنا أخونا أبو عمر الشيخ عبد العزيز الخليفة من أهالي الرس مدرس في وزارة التربية أن الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله بدع جماعة الإخوان وجماعة التبليغ. حدثوا، كم عددكم؟ قولوا حدثنا عبيد الجابري، قال حدثنا أبو عمر الشيخ عبد العزيز الخليفة، وذكر معه رجلين آخرين يشهدان على هذا. حدثوا بارك الله فيكم، لا تخشوا لكن بالحكمة. وهذا نقرره ونكرره عليكم وعلى أمثالكم ممن يستطلعون نصائحنا ويستطلعون ما عندنا. هذا هو الوجه الأول. Il dit حفظه الله تعالى. Il m'a été rapporté aussi par notre frère Abu Omar, الشيخ عبد العزيز الخليفة. Il fait partie des gens de Ras. Il est enseignant dans le ministère de l'éducation nationale saoudienne, que Cheikh Mohammed bin Uthaymeen, il a déclaré l'innovation du groupe des frères musulmans et de Jama'at Tabligh. Et Cheikh lui dit, combien vous êtes? Annoncez ceci, dites que Cheikh Ubaid nous a dit qu'il lui a été rapporté par Abu Omar Cheikh Abdelaziz Al-Khalifa, et il a cité deux autres hommes qui témoignaient sur ceci. Dit, dites-le que vous le prenez directement du Cheikh Ubaid Al-Bukhari, du Cheikh Ubaid Al-Jabiri, d'Abu Omar Cheikh d'Abdelaziz Al-Khalifa, qui le remonte à Cheikh Al-Uthaymeen, que Jama'at Tabligh et que Cheikh Al-Uthaymeen a rendu innovatrice le groupe d'Al Tabligh et le groupe d'Ikhwan. Il dit, dites-le, que Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse, n'ayez pas peur, mais faites-le avec sagesse. Il dit ceci, nous le recommandons et nous le répétons sur vous et nous le répétons à tous ceux qui cherchent nos conseils et qui cherchent ce que nous avons conscience. Hein? Il dit ça, c'est le premier cas de figure à la réponse à votre question. قول الوجه الثاني أن القاعدة العامة عند أهل السنة بالإلحاق بالمبتدعة تنحصر في من يدافع عن أهل البدع ويسوغ لهم ويعتذر لهم مع علمه بأنهم على ضلال. Il dit le deuxième point pour la réponse de votre question, c'est que la règle générale chez les gens de la Sunna et ceux qui sont unanimes sur la Sunna est pour attribuer quelqu'un à l'innovation. Hein, et pour dire qu'il est innovateur, qu'il fait partie de tel groupe, etc., dit ceci s'arrête à celui qui les défend, qui défend les gens de l'innovation, qui leur trouve des excuses, alors qu'il sait qu'ils sont dans l'égarement. يقول هذه خلاصته فلا يصدر هذا إلا من صاحب هوى في الغالب وإن أظهر التستر بالسنة لأنه يخشى سطوة للسنة لكنه هو صاحب هوى. Il dit en résumé, ceci n'émane que de quelqu'un qui suit les passions en général, même si il se cache derrière la sunna, car il a peur du pouvoir des gens de la sunna, car c'est quelqu'un qui suit les passions. يقول وقد يكون جاهل من الجهال يحب الخير وليس عنده فرقان فيظن أن سيد قطب وحسن البنا والمودودي والندوي وفتح يكن ويوسف بن عبد الله القرضاوي المصري المقيم حاليا في قطر. نسأل الله أن يطهر قطر منه ومن كل ذلول مبتدع ذلول البدعة. قد يظنهم علماء، ولكن هذا إن كان صادقا جادا فيما يدعيه وأن طلبته للحق طلبته الحق سيرفع يده عن هؤلاء ويتبرأ منهم إذا بين له، وإن كاذبا فسيبقى على ما هو عليه نحوهم من الدفاع عنهم والاعتذار لهم وتبرير أخطائهم وتسويغها، وحينئذ يلحق بهم ولا كرامة عين. Il dit حفظه الله تعالى et peut-être ça va être un ignorant parmi les ignorants qui aiment le bien, mais il n'a aucun discernement. Il croit que Sayyid Qutb, Hassan al-Banna, al-Maududi, al-Nadawi, Fath Yakin, Youssef ibn Abdullah al-Qaradawi, l'Égyptien qui réside actuellement à Qatar, il dit une demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il purifie Qatar de tout innovateur et de tout innovateur. Hein? Et il dit cela, c'est ignorant, qui aime le bien, il les prend, il croit qu'ils sont des hommes de science. Mais s'il est véridique, et qu'il cherche la vérité, il va laissez ces gens-là. Il va s'en laver les mains, il va les désavouer contre eux, on lui montrera un éclair. Mais s'il est menteur, il va rester sur la même voie qu'eux. Il va rester alors à les défendre, à leur trouver des excuses et à chercher à des excuses à leurs erreurs et à trouver le moyen pour faire passer leurs erreurs. Et dans ces cas-là, il a dit, c'est dans ces cas-là, il est ainsi, bah, ou le faire rejoindre à ces innovateurs, il n'y a aucun honneur. Hein? Il n'a aucun honneur. Il dit, « Et un autre, كثير من يدعون السنة وهم ملبسة يقلبون لأهل السنة المجن يقلبون لأهل السنة المجن وكيف ذلك بأن تكون عمدتهم وشواهدهم فيما يقررونه كتب القوم وقد من باب تحلة القسم يذكرون شواهد لأهل السنة فهؤلاء القوم يخشى منهم لأنهم سلكوا مسلكا ليس عليه أهل السنة فأهل السنة إذا عرفوا كتاب بدعة تبرأوا منه وحذروا منه. Il dit, le troisième point dont, pour répondre à votre question, il dit, beaucoup parmi ceux qui prétendent la sunna, alors qu'ils déguisent les situations, ils renversent les situations pour les gens de la sunna. Comment ils le font? Ils disent, des fois, ils vont dans les livres. Leur point de départ, c'est les livres des innovateurs et ce qui a été confirmé dans les livres des gens de l'innovation. Il dit, et dans leur écrit aussi, ils ramènent certains témoignages de paroles des gens de la Sunna. Elle dit, ceux-là, il y a à avoir peur d'eux, car ils ont pris un chemin qui n'est pas le chemin des gens de la Sunna. Et les gens de la Sunna, quand ils connaissent un livre de l'innovation, ils le disent à vous, ils avertissent contre ce livre. Yaqoul, wa ilajuna li ha'oula, nakhbiru halahum. فإن كانوا جهالا ناصحناهم وإن كانوا يكتبون ما يكتبون عن علم ويعلمون أن هذه الكتب فيها ضلال فنحن نحذر منهم ونحذرهم ونلحقهم بمعتمدهم من أهل الانحراف والزيغ ولا كرامة عين لأنه لو كان صادقا في دعواه السنة لوجد في كتب السنة في كتب السلف غنية عما ينشره للقوم. Et notre remède vis-à-vis de cela, on cherche dans leur situation, on voit comment ils sont. Si c'est des ignorants, on les conseille, on les oriente. Et si ce qu'ils écrivent, ils l'écrivent avec science, ils savent que l'égarement qu'il y a dans les livres des innovateurs, dans ces cas-là, on avertit. On avertit contre eux. Et on fait attention à eux. Et on les fait rejoindre alors à ceux sur lesquels il s'appuie parmi les gens de la déviance et de l'égarement. Et il n'y a aucun honneur pour eux. Car s'ils étaient véridiques dans leurs prétentions de la sunna, ils auraient trouvé dans les livres des salafs de quoi faire. Au lieu de propager les écrits des innovateurs et de remplir leurs écrits par des paroles d'innovateurs. Yaqul na'am. قد يكون المنشور لسيد قطب أو غيره نظرا يسيرا في أمور بسيطة وهؤلاء قد يكون من رجال فضلاء صلحاء نشيطنا في السنة في نشرها وتعليمها والدعوة إليها والدب عنها وعن أهلها لكن يرون أن هناك عبارات هي ضربة للقطبيين وهي في مصلحة أهل السنة فهؤلاء يراهم إخواني لهم مالي وعليهم ما علي واليهم في ذات الله وأعادي من يعاديهم في ذات الله لكن ألومهم على هذا الصنيع وأنصح لهم وفيما بيني وبينهم قد أغلظ عليهم القول وأشدد عليهم النكير أقول فيما بيني وبينهم وتعرفون هذا ليست شهيرا ما عاد الله لا أشهر بهم ولا أشدد النكير عليهم في الملأ لأنهم سند لي فيما أنا عليه من منهج الحق. Il dit, حفظه الله تعالى. Et peut-être que des fois, dans ce qu'ils ont pris, des paroles de Sayyid Qutb ou autres, des petits, ils ont pris des paroles concernant des sujets très simples. Et peut-être que ceux qui ont agi ainsi font partie des nobles gens, des vertueux, des gens qui font des efforts dans la sunna, dans le fait de propager la sunna, de l'enseigner, d'appeler vers la sunna, de défendre la sunna et de défendre les gens de la sunna. Mais ils voient que dans cette expression, il y a un coup à donner dans cette expression de Sayyid Qutb, il y a un quoi à donner au Qutbite, au Qutbi, et qu'il y a un intérêt dans cette parole à la propager pour les gens de la Sunna. Il dit, ceux-là qui agissent ainsi, je vois qu'ils sont mes frères, et ils ont hein, les mêmes droits que moi, et j'ai des devoirs vis-à-vis d'eux, etc. Il dit, ceux-là, je m'allie à eux pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et je prends comme ennemi, je les avoue, ceux qui les désavouent pour Allah subhanahu wa ta'ala. Mais je les blâme pour ce qu'ils ont fait. Je les blâme pour ce qu'ils ont fait. Et je leur conseille, entre moi et eux, hein, je les blâme et je les conseille. Et entre moi et eux, je peux même être très sévère et très dur avec eux. Entre moi, alhamdoulilah. Entre moi et eux. Et il dit ceci, ce n'est pas du domaine de la divulgation. Et je me réfugie auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je ne vais pas les divulguer. Mais je vais, entre moi et eux, je peux être très ferme, très dur. Et en public, je ne serai pas dur avec eux. Car ils sont de mon côté. Ils sont sur la même voie de la vérité que moi. يقول ولعلي بهذا التفصيل المسهب والذي قد يكون فيه استطراد أملته الضرورة علي أقول دعت إليه الضرورة والحاجة أجبت على سؤالك والله أعلم. Il dit avec ce long détail que m'a dicté la nécessité, hein, j'ai répondu à ta question, et sauf Allah subhanahu wa ta'ala sait, et je crois que c'est bientôt l'heure de l'Maghrib pour vous. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا وإلى الغد إن شاء الله.